Le réalisateur par Frédéric Boutet. De sa province, au commencement d'octobre 1891, Hippolyte Albert Drouet vint à Paris pour conquérir, en écrivant, l'amour, la gloire et la fortune. Il était alors un très jeune homme blond et de stature moyenne. Il avait la taille mince, les épaules étroites, le cou maigre. Un poil léger frisottait autour de son visage long. Une lourde mèche barrait son front. Un lorgnon embrumait le regard myope de ses yeux pâles. Ses ambitions étaient immenses et sa fortune petite, bien que, dans son inexpérience, il la jugeât considérable. Elle consistait en une quinzaine de mille francs liquides qui, avec la modeste maison familiale là-bas dans une calme ville du Poitou, était l'héritage de sa mère. Celle-ci venait de mourir. Auprès d'elle, Hippolyte Albert, pendant les années qui avaient suivi sa sortie du lycée de Poitiers, était resté pieusement, faisant son droit pour lui plaire, mais brûlant du désir éperdu de révéler au monde son génie. Romantiquement, il rêvait tous les triomphes, l'admiration de l'élite et les acclamations de la foule, des amours mystérieuses avec de hautaines femmes du plus grand nombre subjuguées par l'éclat de sa célébrité, et de brillantes amours divulguées, connues, voire scandaleuses et orageuses, avec des reines de théâtre qui joueraient ses pièces. Il rêvait aussi un luxe étrange, des fêtes rares, de lointains voyages. Il gagnerait, bien entendu, des sommes énormes, mais ce dernier point était le moins important. Toutes ces chimères peuplaient ses heures nocturnes dans sa silencieuse chambre provinciale et, éperdument, sous la lueur jaune de sa lampe à pétrole, il écrivait. La lumière de perles d'un après-midi moite baignait la Seine et les pierres grises des quais que suivait le fiacre menant de la gare d'Orléans vers le quartier latin. Hippolyte Albert, délirant d'être à Paris, d'être libre, d'être riche, de vivre enfin, de réaliser sa vie. Il s'installa rue de Tournon dans un hôtel convenable dont un camarade lui avait donné l'adresse. Sa chambre, au second, était assez vaste et les meubles simples ne lui déplurent pas. Qu'importait au reste ses vaines contingences, l'avenir lui appartenait. Sa première visite fut pour le camarade qui lui avait indiqué l'hôtel. Ce camarade était employé à la Banque de France et en même temps critique dramatique dans une petite revue intitulée « La pensée neuve ». Il était austère et cependant, cohabitait avec une jeune femme blonde qui lisait Swedenborg. « C'est une modiste et une mystique, » expliqua-t-il froidement à Hippolyte Albert, admiratif. « Nous sommes unis d'âme, elle est vierge. Nous partageons la même couche, mais demeurons chastes. » Par ce camarade, Hippolyte Albert connut très vite la jeunesse littéraire de l'époque. Il en adopta, avec un enthousiasme juvénile, les mœurs et les coutumes. Il porta un monocle, une redingote à col de velours et une cravate en soie peinte, entourant deux fois le haut col évasé. Il fut ibsénien et wagnérien. Il assista aux représentations d'avant-garde, visita les salons de la Rose-Croix, fréquenta les chapelles d'art et les cafés intellectuels. C'était le temps des grands gestes esthétiques et des ferveurs hautaines, des énonciations magiques et de la sexualité transcendante, des hiératismes et des déliquescences. La perversité et le satanisme étaient en grande faveur. Les esthètes, les aèdes, les sphinges, les androgynes, les sans-sexes, les ascètes, les illuminés, les nécromants, les mages, les thaumaturges foisonnaient. Hippolyte trouva ces curiosités ravissantes. Il devint esthète, s'efforça d'être hautain et énigmatique, décida qu'il signerait ses œuvres, H. Albert Drouet, porta, le plus possible, une orchidée à sa boutonnière et prit 4 ou 5 fois du hashish. Il publia à ses frais une plaquette de verre dont le titre était « Énigme d'âme et sexuelle », puis se mit avec ardeur à écrire un grand drame surnaturaliste en prose rythmée intitulé « La main d'ombre » qui devait imposer sa gloire et révolutionner le théâtre contemporain. Dans l'atelier, tendu d'andrinople rouge et saturé des vapeurs de l'encens, d'un peintre oculiste qui évoquait des larves et peignait sous une lampe verte des anges maudits pleurant leurs péchés parmi des paysages invertis, il rencontra une dame poète. Elle était volcanique et l'aima 4 mois. La conquête suivante de H. Albert fut une petite femme maigre, au teint pâle, aux yeux verts, au noir bandeau botticellien qui fréquentait, un lys à la main, les spectacles novateurs. Son vrai nom était Mathilde Bru, mais elle préférait qu'on l'appelait Mao. Elle partagea pendant 1 an l'amour et la vie de H. Albert, qu'elle désola par une infidélité assidue, puis elle le quitta. Il en souffrit pendant 2 mois. Entre-temps, la main d'ombre avait été achevée, soumise 2 fois des directeurs et 2 fois refusée. H. Albert refit le dernier acte, qui lui semblait insuffisamment hiératique, et porta la pièce à un 3e directeur, qui la repoussa également. Vers ce moment-là, H. Albert s'aperçut que malgré qu'il vécût modestement, ses finances diminuaient d'une façon alarmante. Mao, bien que désintéressé, lui avait coûté assez cher et les besognes qu'il faisait de temps à autre pour une revue encyclopédique lui rapportaient peu. Raisonnable et pratique parmi son enthousiasme littéraire, détestant la misère et la bohème, il comprit qu'il devait chercher un emploi qui lui permit de subsister jusqu'au jour de triomphe. Grâce à la protection d'un ancien ami de sa famille, il entra comme expéditionnaire à la préfecture de la Seine et s'en trouva très heureux. H. Albert fut un bon employé ponctuel et diligent. Il observait une stricte économie afin de ne plus toucher au très petit capital qu'il restait encore. Il loua à bail par correspondance sa maison de Poitiers et, tranquille sur l'avenir, attendit la gloire. Sous les auspices de la revue La Pensée Neuve à laquelle il collaborait, dans le sous-sol, on disait cabot, d'un petit café de la rue de la Seine, il lut la main d'ombre à une vingtaine d'amis réunis dans ce but. Les uns clamèrent, les autres critiquèrent et plusieurs, animés par leurs convictions artistiques et par l'alcool absorbé, aux frais de H. Albert, au cours de l'audition, en vinrent aux mains en sorte que le cafetier éteignit le gaz. H. Albert rentra chez lui perplexe. Le troisième acte de la main d'ombre lui paraissait à présent dénué de symboles. Il fallait le refaire. Comme il ne pouvait plus maintenant travailler que le soir, ce labeur dura assez longtemps. Cependant, La Pensée Neuve cessa de paraître et H. Albert en fut affligé. Où publier ses poèmes dorénavant? Mais des préoccupations d'un autre ordre absorbèrent ses facultés. Chez le vieil ami de sa famille, où parfois il dînait le dimanche, il rencontra une jeune fille qu'il aima. Elle se nommait Cécile, elle était fille d'un professeur pauvre. Elle avait de beaux cheveux châtains, de doux yeux bruns et une fort jolie taille. H. Albert en devint éperdument amoureux. Il lui parlait d'art en modérant l'outrance de ses opinions et en évitant le jargon esthète pour ne pas l'effaroucher. Elle l'écoutait favorablement. Il demanda sa main et l'obtint. Ils s'installèrent rue de Savoie, au fond de la cour d'un antique hôtel, dans un logement assez vaste, très haut de plafond, et dont le loyer n'était pas dispendieux. H. Albert employait la moitié de l'argent qui lui restait pour le meubler assez sommairement, mais avec goût. La vie conjugale commença. Cécile était gaie, aimante et courageuse. Elle administrait avec ordre les humbles finances du ménage et se passait de bonne. H. Albert se trouvait parfaitement heureux, ne voulant pas le soir quitter sa femme et ne voulant pas, en l'emmenant avec lui, l'exposer à entendre des discours trop crus ou à connaître des personnes trop libres d'allure, ce qui eût choqué la jeune femme. Il fréquentait beaucoup moins les milieux d'avant-garde. Cécile était instruite et intelligente, mais elle avait des goûts classiques et méconnaissait les génies novateurs. Elle faisait de son mieux pour comprendre les poèmes de son mari et pour admirer la main d'ombre. Il lui lut, mais visiblement, elle n'y arrivait pas. Le grand plaisir de la jeune femme était d'aller au théâtre, et H. Albert l'emmena à des représentations significatives. Elle ne partagea pas son enthousiasme, elle préférait le français. Un grand événement eut lieu. Cécile fut enceinte. Fière, émue, angoissée aussi, H. Albert entoura la jeune femme de soins vigilants. Un surcroît de dépenses allait fondre sur lui. Il chercha du travail à faire le soir, et trouva des articles de compilation assez mal payés, il est vrai, mais d'un rapport fixe. Il put prendre une bonne et faire face aux frais de l'accouchement. Cécile eut un fils. Ce fut une joie immense. H. Albert, en l'honneur de sa plus grande admiration littéraire, donna à l'enfant le prénom de Stéphane. Cécile voulut y joindre celui d'Albert. Elle profita de la circonstance pour dire gentiment à son mari qu'elle trouvait qu'Albert était un très joli nom, mais qu'elle n'aimait pas H. Albert, qui était dur et prétentieux. Il renonça donc au H avec trait d'union et fut Albert Drouet tout court. Des années passèrent. Albert, toujours employé modèle, occupait maintenant dans son administration un poste plus important et les besognes qu'il continuait à faire le soir pour des éditeurs ou des revues lui étaient mieux payées. C'était nécessaire, le petit Stéphane coûtait cher. Il allait entrer à Louis le Grand. Ses parents ne voulaient rien négliger pour son éducation et son instruction. Ils étaient très fiers de lui et à juste titre, car c'était un bel enfant d'intelligence vive et directe, travailleur, affectueux, soumis et en même temps fantaisiste et vivant. Albert s'émerveillait de cette jeune existence issue de lui et qui croissait à ses côtés. Il développait de son mieux les qualités de son fils et s'efforçait de ne pas trop le gâter. Toutes ses préoccupations étaient pour cet enfant, il lui avait sacrifié, sans même s'en rendre bien compte, ses vieilles ambitions. Il ne faisait plus jamais de poèmes, n'en ayant pas le temps, pris le soir entre ses besognes et les leçons qu'il expliquait au petit Stéphane. Quant à la main d'ombre, elle dormait au fond d'un tiroir. Stéphane fit de très brillantes études et après son baccalauréat s'inscrivit à la faculté des lettres et à la faculté de droit. Il les quitta pour la guerre et ses parents connurent d'indicibles angoisses, mais il revint indemne et la vie fut devant lui. « Eh bien, mon cher enfant, quelle carrière vas-tu choisir ?» lui demanda son père, un soir où Madame Drouet, souffrante, était couchée. Ils causaient tous deux au coin du feu, dans ce même logement de la rue de Savoie où Stéphane était né. Stéphane ne répondit pas tout de suite, il semblait réfléchir. Il était maintenant un très beau garçon brillant de jeunesse et d'énergie. Il ressemblait à son père, mais comme une statue ressemble à une ébauche imparfaite. Ses cheveux étaient d'un blanc solide, presque fauve, ses yeux gris profonds et assurés, son visage glabre, régulier, sans fadeur. Il avait la taille mince, mais les épaules larges et des muscles de sportif. Albert le regardait avec orgueil. « Quelle carrière je vais choisir, père ?» dit enfin le jeune homme. « Eh bien, elle est déjà choisie. Je vais écrire. » Albert Drouet tressaillit. « Écrire ? Mais tu ne m'as jamais dit. Non ? J'y pense depuis longtemps. J'ai déjà fait des essais, mais c'était encore vague, imprécis. Je me cherchais moi-même. Maintenant, je suis résolu. Je sais la formule qui me convient le mieux. Je vais écrire pour le théâtre. » M. Drouet s'est élevé et agité. « Mon pauvre enfant, tu ne sais pas les difficultés que tu vas affronter, les déboires et les dégoûts qui seront ton partage. L'œuvre faite, comment, même si elle est de valeur, arriveras-tu à la faire jouer ?»« Le théâtre, mirage tentant, oui, certes, mais si décevant. Que de peine, que de travail perdu sans résultat, que d'agitation vaine, que de rancœur, que de souffrance. Mon cher enfant, je dois te mettre en garde contre cette dangereuse chimère. Les calmes joies d'une vie médiocre sont, croisant mon expérience, les seules qui comptent. Tu sais comme je t'aime, mon petit, ce que je te dis là n'est pas pour te décourager. Père, tu ne me décourages pas? Je sais bien que ce que tu me dis est la vérité. Tu es un sage, mais que veux-tu? Je crois réussir. J'ai actuellement une pièce en lecture à la Comédie dramatique. Tu as écrit une pièce et je n'en savais rien. Je voulais te l'annoncer, si elle était reçue. Tu es si bon. Je voudrais tant te prouver que je suis digne de ce que tu as fait pour moi. » Stéphane était ému. Son père, ému aussi, lui posa la main sur l'épaule. « Stéphane, mon enfant, tu sais que tant que je vivrai, je serai ton appui. » Ils se séparèrent pour la nuit. Albert raconta à sa femme la conversation qu'il avait eue avec Stéphane. Madame Drouet ne parut pas surprise des projets de son fils et combattit vivement les inquiétudes de son mari. Stéphane était si intelligent, si doué, si séduisant aussi. Il réussirait certainement dans tout ce qu'il entreprendrait. L'événement donna raison à Madame Drouet. La pièce de Stéphane fut reçue et jouée avec succès. La critique abonda en éloges sur l'œuvre de ce débutant qui promettait d'être un maître. Du jour au lendemain, Stéphane Drouet fut presque célèbre. Il le fut tout à fait après sa seconde pièce, qui tint l'affiche 3 mois dans un théâtre des boulevards. Il gagna plus d'argent avec ces deux pièces que son père n'en avait gagné le long de toute sa vie d'employé. Albert Drouet s'émerveillait de ses résultats. Ses collègues de bureau le félicitaient de la belle réussite de son fils. Celui-ci n'avait pas que des succès de théâtre, il avait aussi des succès amoureux. Après diverses bonnes fortunes flatteuses, il se lia avec la belle et illustre comédienne Claudia Trève, qui s'éprit de lui passionnément et pour laquelle il écrivit sa 3e pièce, L'étreinte. L'étreinte fut un triomphe. Le soir de la répétition générale, M. et Mme Drouet, dans une loge, entendirent applaudir leur fils par toute une salle vibrante d'admiration sincère. Madame Drouet pleurait de tendresse et d'orgueil. Albert Drouet, profondément ému, regardait sur la scène Claudia Trève, splendide et pathétique, faisant vivre passionnément l'œuvre de celui qu'elle aimait. Il regardait la salle soulevée d'enthousiasme. Il écoutait acclamer le nom de son fils. Les amis entrèrent dans la loge, le félicitèrent chaudement. Ah, il pouvait être fier d'avoir un tel fils. Son œuvre nouvelle était géniale. Elle le classait parmi les maîtres incontestés. Elle consacrait définitivement sa jeune gloire. Après la représentation dans les coulisses, M. et Mme Drouet virent Stéphane. Il était plein de joie, mais nullement grisé par les éloges éperdus dont on l'accablait. Il embrassa sa mère, embrassa son père et à mi-voix, avec émotion, dit à celui-ci « Père, c'est à toi que je dois cela. C'est à toi que je dois d'être ce que je suis. C'est ton abnégation. C'est ton dévouement pour moi qui m'ont permis d'être moi-même, de développer ma pensée sans contrainte, de me réaliser. Oh, père, père, je suis heureux que tu sois heureux. Mon petit, je suis si fier, si heureux, » balbutia Albert Drouet. Stéphane quitta ses parents. Claudia Trève l'attendait. Il partit avec elle. Monsieur et Madame Drouet regagnèrent en taxi leur lointaine et morne rue de Savoie. Pendant tout le trajet, Madame Drouet délira de joie. Stéphane était leur gloire. Il avait du génie. Il rendait illustre leur nom. Avec effusion, elle embrassa son mari. Ah, il était bien récompensé de tout ce qu'il avait fait pour ce cher enfant si admirable. Quand ils furent chez eux, Albert Drouet laissa sa femme se coucher. Il gagna son petit bureau, s'enferma, alluma sa lampe. Sur la table, il y avait les feuillets d'une besogne commencée, une étude de vulgarisation sur la culture de l'alpha. Il les repoussa, s'assit, resta un moment immobile, le visage crispé. Puis il se pencha, ouvrit un tiroir et prit un épais manuscrit. C'était le manuscrit de la main d'ombre, qu'il n'avait pas regardé depuis 20 ans. Il se mit à le lire, tournant les feuilles une à une. Bientôt il s'arrêta, haussa les épaules et resta les yeux fixés sur sa lampe sans la voir. Il regardait en lui-même. Il regardait sa vie et celle de son fils. Stéphane avait réalisé tout ce que lui-même, jadis, avait si ardemment rêvé. Stéphane était celui qu'Albert Drouet aurait voulu être, qu'il n'avait pas été, qu'il ne serait jamais. La gloire, la fortune, des amours brillantes, le prestige du succès, l'enivrement des acclamations, oui, Stéphane avait conquis tout cela. Brusquement, Albert Drouet frissonna. Il comprenait, il se comprenait. Et un sentiment plus amer que le désespoir le saisit. Il était jaloux de son fils. Il était déjà sans s'en rendre compte quand il avait essayé de détourner Stéphane du théâtre en lui vantant les joies de la médiocrité. Il l'avait été plus encore à chacun des succès du débutant. À présent, il l'était jusqu'à la plus âpre torture. Il était jaloux et avait honte de l'être. Plus encore de cette jalousie même, il souffrait de savoir qu'il était jaloux de son fils et que c'était vil. Mais il n'y pouvait rien. Avec horreur, avec dégoût, avec détresse, il était jaloux, et des larmes lentes tombaient de ses yeux sur les feuillets jaunis et vains de la main d'ombre. Ainsi s'achève Le réalisateur par Frédéric Boutet.